que tout le monde avait compris que la grève par procuration, ça ne marche pas. Il faut que tout le monde s'y mette, qu'on se le dise, dans nos familles, qu'on mène des débats sur le lieu de travail, dans nos secteurs, dans les bureaux, dans les réserves, au sport, il faut que tout le monde s'y mette, la jeunesse, les travailleurs, les immigrés. La seule manière de gagner, c'est de jouer collectif. Et Macron, lui, ce qu'il veut, il veut gagner par la division. Ne rentrons pas dans ce piège dangereux. À ceux qui veulent attaquer les retraités. Résistance. Là, il y a une question. À ceux qui veulent attaquer les retraités, la rue répond résistance. Et vous savez pourquoi on pour résistance? Parce que c'est eux les voleurs. C'est qui les voleurs? C'est eux les voleurs. Mais c'est qui les fainéants? C'est eux les fainéants. Dehors, ce gouvernement qui prend de le chômage et la précarité en grâce des actionnaires.